France Inter, franceinter.com. Il était malheureux, alors un soir, après avoir absorbé des somnifères, il a chaussé ses palmes et il est entré dans l'eau. Et il a nagé en direction de l'horizon, jusqu'à ce que la fatigue et les médicaments fassent effet. Il l'avait d'ailleurs dit à un ami, si un jour je voulais me suicider, c'est ainsi que je ferais, nager vers le large jusqu'à épuisement, jusqu'à la mort. Oui, mais il s'est trouvé des gens pour douter de cette histoire qui arrangeait pourtant beaucoup de monde. Des frères, une sœur, une mère, qui n'ont jamais cru que Jean-Pascal Courault, dit JPK, avait décidé d'en finir ce 15 décembre 1997, dernier jour où il a été vu en vie. Alors, si JPK ne s'est pas suicidé, qu'est-il devenu? A-t-il fui son épouse, sa famille, son métier? Ou bien, hypothèse la plus vraisemblable, a-t-il été assassiné? En effet, ce journaliste de 37 ans était très curieux, trop sans doute. Mais d'abord, plantons le décor en cette année 1997. Tahiti, le paradis sur terre, des palmiers, des plages étincelantes, des vahinées, des colliers de fleurs, mais aussi le chômage, d'importantes inégalités sociales, la corruption et des mœurs politiques discutables. La Polynésie française, pays d'outre-mer qui vit sous perfusion des subventions de la métropole, est alors dirigée depuis le début des années 80 par un monarque républicain, Gaston Flosse, qui concentre les pouvoirs, accumule les affaires et les mises en examen, dispose d'une milice forte de plus d'un demi-millier d'hommes et même de deux services de renseignement. C'est donc dans ce climat délétère que Jean-Pascal Courault a disparu. Monsieur X explore toutes les pistes, même les plus explosives. Va à Teni, Teni, Teni, Noto, Fé, Noua. Te poye, Teni, A, Teni, Mao, Te, A, Toua. Orine, Tia. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Pour commencer, un fait qui en dit long sur la situation qui prévaut en Polynésie. En octobre 2004, un certain Vétéa Guillou, ex-membre de la milice, mise en place par Gaston Flosse, milice dont on reparlera bien entendu, donc ce Guillou se confesse auprès d'un ministre. Il affirme avoir assisté à l'enlèvement de Jean-Pascal Courault et même à son assassinat. Ah, ça, c'est un témoignage capital. En effet. Et VTA est très conscient des risques qu'il court. Et c'est seulement après s'être caché quelques jours qu'il vient déposer à la gendarmerie. Mais là, bizarrement, au fil des heures, ses déclarations deviennent de plus en plus floues. À tel point qu'après une longue garde à vue, il va finir par se rétracter. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé là, des dépressions et... libre à vous de le penser, mais ce n'est pas terminé. VTA est immédiatement incarcéré pour dénonciation calomnieuse et mensongère. Et jugé en comparution immédiate, il écope de 12 mois de prison, dont 3 fermes. Condamnation qui sera confirmée en appel à Tahiti, mais qui finira par être cassée par la cour d'appel en métropole. Le parquet de Tahiti a donc été désavoué dans cette histoire. Un parquet qui, disons-le tout de suite, était résolu à ne plus entendre parler de l'affaire Kourou et qui faisait donc tout ce qu'il pouvait pour l'étouffer, mais on y reviendra. Alors d'abord, si vous le voulez bien, quelques mots sur cette si lointaine Polynésie française. Il y a combien de kilomètres de Paris, rappelez-moi? À peu près 18 000. Et elle compte un peu plus de 4200 km² de terre émergée, mais éparpillée sur une surface grande comme l'Europe. Au total, je crois qu'elle rassemble 118 îles, dont la principale dans l'archipel des îles sous le vent est Tahiti, qui regroupe à elle seule 70% de la population polynésienne. Une population relativement homogène, mais qui accueille des Européens et une forte minorité d'Asiatiques. Alors, encore une question, là, au total, combien d'habitants? Oh, un peu moins de 300 000. Ouais. Et de quoi vivent ces Polynésiens-là? Il y a d'abord le tourisme, bien sûr, de luxe. Une ressource qui prend de plus en plus d'importance. Mais il faut compter aussi avec la culture, celle du copra en particulier. Et puis la pêche et les perles. Toutefois, c'est la subvention métropolitaine qui représente la plus grosse part, à peu près un quart des recettes du territoire polynésien. Ouais, c'est énorme. Hein. Ça veut dire, comme l'a très bien expliqué Oscar Temaru, l'éphémère président indépendantiste de la Polynésie, que le territoire vit encore au rythme d'une économie de comptoir. Les exportations couvrent à peine 10% des importations. La Polynésie vit donc grâce à ses transferts en provenance de la métropole. Et ça s'explique en partie par les essais nucléaires pratiqués là-bas jusqu'en janvier 1996, c'est ça ? Pas seulement, mais il est vrai que lorsque les tirs cessent, les installations du centre d'essais sont bien sûr démantelées. Et les militaires et scientifiques qui résidaient donc en Polynésie vont peu à peu rejoindre la métropole. Pour le président du territoire, Gaston Flosse, l'économie va subir une perte considérable. Il demande donc une compensation à son grand ami Chirac et il obtient une dotation exceptionnelle pour au moins 10 ans. Exceptionnelle, mais importante? Pas moins de 150 millions d'euros par an. Effectivement, oui. Et ça vient s'ajouter aux autres subventions ou dotations consenties par l'État et qui semblent disproportionnées si l'on tient compte du nombre d'habitants. Des habitants qui ne profitent pas d'une façon égale de tous ces subsides généreusement octroyés par Paris. Et vous avez une estimation globale? Oui, c'est assez ahurissant. D'après les chiffres que j'ai pu collecter, la Polynésie ne recevrait pas moins d'un milliard d'euros par an. Une somme énorme en perpétuelle augmentation et qui fait souvent l'objet d'une grande gabegie. Un seul exemple, celui du budget de la présidence polynésienne, 29 millions d'euros. Alors que celui de la présidence française, qui n'est pourtant pas négligeable, se monte à 32 millions. Alors cet argent, grosse somme d'argent que reçoit la présidence polynésienne, sert à quoi? Disons sommairement qu'il y a beaucoup de dépenses somptuaires. Des bâtiments, des meubles précieux, des autos de luxe, des frais de réception. Et puis, il y a cette milice que j'ai évoquée, le GIP, Groupement d'intervention de la Polynésie. Pas loin de 1000 gros bras au seul service du président. Ça coûte très cher. Mais on y reviendra parce que ce GIP a joué un rôle central dans notre affaire. Alors, avant de parler plus précisément de la disparition de Kourou, encore un mot sur l'histoire de la Polynésie. Ça vous cédez une nouvelle fois à votre dada d'historien. Que voulez-vous, à mon âge, je ne vais pas me réformer. C'est à partir donc du XVIe siècle que des explorateurs européens commencent à découvrir ces archipels paradisiaques. Mais c'est dans la première partie du XIXe siècle que, précédés par des missionnaires, les Français établissent un protectorat sur Tahiti et une autre île, Moréa. Et ça se passe comment, là, avec les autochtones? Assez mal. Ah. Les Tahitiens ne sont guère enchantés à l'idée de perdre leur indépendance et c'est la guerre. Une guerre qui durera 2 ans et se terminera bien sûr par la victoire des militaires français. Mieux équipés. Et puis dans les années qui suivent, le protectorat se transforme en colonie et peu à peu, les autres archipels sont conquis. On parle alors des établissements français d'Océanie. Et après la Seconde Guerre mondiale, la Polynésie deviendra un tome. Un tome, c'est-à-dire un territoire d'outre-mer. Qui jouira plus tard d'un statut d'autonomie interne. Et c'est à cette époque qu'on assiste à l'émergence du premier parti politique polynésien. Un parti indépendantiste. En tout cas très hostile à la présence française et au capitalisme introduit par les colons. Mais en 1958, les Polynésiens votent massivement en faveur du maintien du territoire dans la République française. Et le leader indépendantiste désavoué est arrêté. Il n'empêche qu'il reprendra le combat lorsqu'il s'agira d'installer le centre d'expérimentation du Pacifique dans les îles de Moruroa et Fangatofa. Et les premiers tirs atomiques vont avoir lieu dans l'atmosphère. Au mépris de la santé des habitants des îles voisines, ce que naturellement ont nié les autorités militaires. Et c'est seulement aujourd'hui, après plus de 40 ans de mensonges d'État, que le ministère de la Défense commence à reconnaître que les populations civiles n'ont pas été suffisamment informées des risques qu'elles couraient. Oui, et on a noté une fréquence inquiétante des cancers de la thyroïde. Et aussi des cas de leucémie. Mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Même s'il faut noter que le président polynésien Gaston Flosse a toujours refusé d'aborder cette grave question. Alors, poursuivons ce petit cours d'histoire. D'accord. Il est certain que l'implantation du centre d'expérimentation va doper l'économie de la Polynésie. Ça, mais aussi deux autres événements. D'abord, la construction d'un aéroport international près de Papeete, puis le tournage d'une super production hollywoodienne, Les Révoltés du Bounty. Ah oui, avec Marlon Brando en vedette. Hein. Brando qui, à cette occasion, va d'ailleurs s'amouracher de la Polynésie. Enfin, ça, c'est un détail. En tout cas, ce tournage prestigieux va permettre le déversement de quelques millions de dollars dans les îles. Enfin, allons vite. Ça ne vous ressemble guère. Hein. Bon, je préfère ne pas entendre. C'est donc dans les années 70 que Gaston Flosse fait vraiment son entrée sur le terrain politique. Alors, qui est-ce en deux mots, là? D'abord, c'est comme on dit là-bas, un demi, c'est-à-dire un métis. Père lorrain et mère polynésienne. Je crois qu'il a d'abord été instituteur, puis assureur, avant de se lancer en politique. C'est ce dernier métier qui lui permet d'entrer en contact avec les riches familles de Tahiti. Maire d'une petite commune, il devient ensuite conseiller territorial et fait une rencontre décisive. Qui ? Jacques Chirac. Ah oui, parce qu'il est gaulliste. Je crois qu'il est plutôt flossiste, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'il va nouer des contacts très chaleureux avec le futur président de la République, qui sera même le parrain de l'un de ses nombreux enfants, prénommé Jacques, naturellement. Ah ben oui, quand et même. Politiquement, il apportera un soutien sans faille à Chirac, à l'UDR, puis au RPR, dont il devient membre du comité central. Remarquez que Chirac le lui rendra bien. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que son ami polynésien échappe aux nombreuses poursuites judiciaires dont il sera l'objet. Et Flosse fera même partie du gouvernement français. Hein. C'est exact. Dans le premier gouvernement de cohabitation, en 1986, il est nommé secrétaire d'État chargé du Pacifique Sud. Écoutez, ça me paraît être un secrétariat d'État qui semble avoir été créé tout exprès pour lui. Hein. Oui, c'est aussi mon sentiment. Mais ce qui compte surtout, c'est que 2 ans plus tôt, Flosse est élu à la présidence du gouvernement polynésien. Et il gardera ce poste jusqu'en 2004, avec juste une petite interruption de 1988 à 1991. Alors pourquoi cette interruption-là ? La trahison d'un protégé, même d'un véritable fils spirituel, qui voulait être vizir à la place du vizir, mais condamnait surtout les méthodes de gouvernement de son tuteur politique. Cependant, Flosse reprend assez rapidement la main. Et au cours de son règne, il va pouvoir faire la pluie et le beau temps en Polynésie. À tel point que ses opposants vont le surnommer Sa Majesté Bocaflossa Ier. Oh, hey. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le canard enchaîné n'a jamais été tendre avec Gaston Flosse. Voilà par exemple ce qu'écrit le journal satirique en 1996. Flosse appartient à la caste des demi, terme qui à Tahiti indique un métissage, quel qu'en soit le degré. De ces brassages qui donnent à la Polynésie sa saveur, il a hérité un nom et un prénom qui respirent plus le terroir que le territoire, une maîtrise des ambiguïtés de la langue tahitienne qui en fait un redoutable orateur. La version tahitienne de ses discours est toujours plus vache à l'égard de l'État français que la version française. Ex et éphémère instituteur, Flosse, avec une ténacité de requin, mord dans le pouvoir et ne veut plus le lâcher. Increvable, sautant dans l'avion de Paris à la première occasion, insensible au décalage horaire, à la chaleur, il étouffe ses adversaires. Quelle endurance ! En 95, le retour de son ami Jaco au pouvoir arrange au mieux ses affaires, même si l'annonce de la reprise des essais nucléaires fait durement souffrir une économie polynésienne qui repose pour l'essentiel sur le tourisme. C'est la chance de Gaston. Dès le 13 juin 1995, il monte au front en grand défenseur des essais, promet de pourfendre les militants de Greenpeace qui entament leur ronde autour de Moruroa et annonce le même traitement pour les Australiens et les Néo-Zélandais qu'il accuse de vouloir bouter la France hors de Polynésie. Égare aux journalistes, venus d'ailleurs, qui s'intéressent de trop près aux indépendantistes et à leur leader, Oscar Temahu. Pour en finir avec ces généralités, disons encore qu'il n'y a pratiquement pas de presse d'opposition en Polynésie française, puisque les deux principaux journaux appartiennent au groupe Hersant. Seul Tahiti Pacific Magazine, un mensuel créé par un Américain naturalisé, Alex Duprel, ose tenir tête au pouvoir territorial. Il y a quand même des partis politiques. Gaston Flosse a bien sûr créé le sien, le Tauera Huaratira, ce qui veut dire « Rassemblement du peuple ». C'est en principe un parti autonomiste. Et pourquoi en principe hein? Parce que Flosse est surtout autonomiste quand il est chez lui. Car dès qu'il est à Paris, c'est un bon petit soldat gaulliste. Il existe aussi des indépendantistes. Oui, le parti d'Oscar Temahu, le Tavini Huaratira, ce qui veut dire à peu près « serviteur du peuple ». L'expression est intéressante. Il y a chez Temahu et chez ses partisans une incontestable dimension chrétienne. Toutes les réunions commencent par une prière. Quant à la revendication indépendantiste, il faut bien admettre qu'elle s'est un peu émoussée au fil du temps. Mais Temahu a mis de l'eau dans son vin. Certainement. Ce grand bonhomme rieur et sympathique, s'il a d'abord cultivé un nationalisme intransigeant, est devenu beaucoup plus pragmatique. Et il ne demande plus le divorce. Le divorce avec la France. Et lorsqu'il l'emportera sur son adversaire Flosse en 2004, on verra bien que Temahu n'était pas l'extrémiste qu'on prétendait. J'irais même plus loin. Au fond, ces deux hommes politiques sont complémentaires et ils ont besoin l'un de l'autre. Ah oui, comme un repoussoir. En effet. Mmh. Pour être tout à fait complet, il me faut aussi signaler l'existence d'un troisième parti, le Fetia Api, c'est-à-dire l'Étoile Nouvelle, créée par un opposant, Boris Liantiev, qui mourra en 2002 au cours d'un accident d'avion non élucidé. Mais on va reparler de ce leader centriste, car il était très proche de Jean-Pascal Kourou. Alors justement, il est peut-être temps de reparler de ce journaliste. Encore un mot avant. Le système fiscal polynésien est très particulier. Par exemple, il n'existe pas d'impôt sur le revenu. Et lorsque les élections approchent, les cadeaux fiscaux se multiplient à l'infini. Mais grâce à la générosité de la métropole. Bien évidemment. Alors Kourou, pour la commodité du récit, si vous en êtes d'accord, appelons-le JPK. Sa signature de journaliste. Il est né en 1960 en métropole, à Poitiers, très précisément. Et il a 5 ans quand sa famille décide de se fixer en Polynésie. Après des études à Sciences Po, Aix, en Provence, il revient à Tahiti. Et en 1984, il commence une carrière de journaliste dans un quotidien local, Les Nouvelles de Tahiti. Il a alors une spécialité Il s'occupe de sport, sa grande passion. Lui-même pratique assidûment le surf, la pirogue. J'ajoute, car nous allons nécessairement parler de sa vie privée, que c'est un très beau gosse. Ah, séducteur, alors. Pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, ses talents de journaliste sont très vite reconnus. Et 2 ans après ses débuts aux Nouvelles, il est nommé rédacteur en chef. Une ascension très rapide, ça. Excessivement, oui. D'autant qu'il n'a que 26 ans. et JPK signe des articles très critiques pour le pouvoir en place. C'est-à-dire Gaston Flosse. Flosse, président de l'Assemblée territoriale et secrétaire d'État de Jacques Chirac. Et alors à l'époque, la JPK, que lui reproche-t-il à Flosse ? Essentiellement, le journalisme met en lumière des utilisations discutables de l'argent public. Vous parlez par euphémisme maintenant ? Je l'admets, mais le sujet est sensible. Songez que Gaston Flosse, qui sera mis en examen à de nombreuses reprises, s'en tirera toujours et obtiendra autant de non-lieux. Donc en principe, il est innocent. C'est la loi et c'est pourquoi je resterai prudent. Mais rassurez-vous, je développerai quand même quelques affaires sensibles. En tout cas, JPK ne tarde pas à devenir la bête noire du gouvernement et de Gaston Flosse. Ouais, il l'agace. Et en avril 1988, alors que Flosse vient d'être battu à la présidence de la région par son fils spirituel, Alexandre Léontief, Les Nouvelles publient un numéro spécial particulièrement virulent à l'égard de Gaston Flosse, apprenti dictateur et politicien affairiste. C'est JPK qui s'exprime ainsi. Naturellement. Ah bon. Alors, attendez avant d'aller plus loin, là. Vous avez déjà parlé d'un Léontief. Boris, oui. Et c'est un parent de celui que vous venez de nommer ? Alexandre. Eh bien, ils sont certainement apparentés, de façon lointaine, mais désolé, je n'en sais pas plus. Ce numéro spécial des Nouvelles consiste en un recensement de toutes les affaires où l'ex-président de l'Assemblée territoriale est impliqué. Affaires déjà citées par le quotidien. Mais cette accumulation sur un seul numéro est particulièrement spectaculaire. Et cette fois, c'en est trop. Et Flosse obtient la saisie du journal quelques heures après sa parution. Et ensuite, lorsque le journal sera racheté par Hersant, JPK sera licencié par la direction des Nouvelles. Eh ben, cette fois-ci, Flosse est débarrassé de ce gêneur. Oui, mais pas autant qu'il l'espérait, car si JPK n'est plus officiellement journaliste, il passe avec armes et bagages dans le camp de l'homme qui a supplanté Flosse à la tête du gouvernement polynésien. Alors, c'est ce Léontief, Alexandre. Oui, oui. Et JPK va désormais s'occuper de son service de presse. Toutefois, il poursuit parallèlement ses investigations. Ouais, toujours sur les affaires de Gaston Flosse ? Flosse qui, à l'occasion d'une nouvelle élection, recouvre le pouvoir. Mais il faut dire qu'Alexandre Léontief aussi a été pris la main dans le pot de confiture. Ah bon, d'accord. En tout cas, après cette éviction du pouvoir de Léontief, JPK se retrouve sur le sable. Pas pour longtemps. Il devient chargé de communication de l'autre Léontief, Boris, maire de la commune d'Arroux et adversaire résolu de Gaston Flosse. Auparavant, une petite parenthèse, si vous le voulez bien. Je vous en prie. Lorsqu'il était encore journaliste, JPK a rencontré une jeune Tahitienne de la bonne société avec laquelle il s'installe et qui lui donne un fils. Puis, au début des années 90, nouvelle rencontre avec une autre jeune femme Tahitienne, Myri. Mais cette fois, il épouse et le couple aura deux enfants. JPK, d'après ses proches, est très amoureux. Et se fait construire une maison où il va vivre avec sa nouvelle compagne et ses trois enfants. Bon, fin de la parenthèse. Ouais. Il semble donc qu'il ait mis fin à sa carrière de journaliste. Hein. Oui, c'est son activité politique qui domine. JPK, très proche des socialistes, qui sont alors au pouvoir à Paris, multiplie les contacts avec les syndicats, les milieux associatifs et les de tous les combats politiques. Ouais, contre Gaston Flosse, j'imagine. Bah, ouais. Naturellement. Et c'est même lui qui rédige le programme électoral du parti Fethia Happy lors des élections territoriales de 1996. Mais, encore une fois, hein, c'est le parti de Flosse qui triomphe. Et Flosse conserve la présidence. Ouais. C'est un nouvel échec pour les indépendantistes, mais aussi pour JPK et ses amis. Et ça correspond justement à un moment où, d'après ses proches, l'ancien journaliste est saisi par le doute. Que lui arrive-t-il, là ? Il déprime. Et il doit se demander s'il n'a pas échoué professionnellement. Difficile pour lui de redevenir journaliste dans un pays où les médias sont étroitement contrôlés par les hommes au pouvoir. Et pourtant, le journalisme demeure sa vraie vocation. Quant à sa carrière politique, elle est plutôt mal partie. Et puis, il y a les désillusions. En Polynésie, il n'est pas rare de voir un élu changer soudain de bord. Bah, nous sommes en métropole aussi, on assiste à ce genre de retournement, non ? Oui, bon, c'est vrai. Enfin, la seule différence, c'est que là-bas, ces trahisons donnent parfois lieu à des versements d'espèces sonnantes et trébuchantes. Et puis JPK a des problèmes beaucoup plus personnels. Sa vie privée ? Oui, et ça ne peut qu'accroître son mal-être. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, tous les samedis à 13h20 sur France Inter. Monsieur X, en évoquant les activités journalistiques de Jean-Pascal Courault, a parlé de virulence à l'égard de Gaston Flosse. En témoigne cet extrait de l'éditorial de JPK dans ce numéro spécial des nouvelles, saisi à la demande de Flosse. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'en 1988, ce dernier, toujours secrétaire d'État du gouvernement Chirac, vient alors de perdre momentanément la présidence de l'Assemblée territoriale. Je cite JPK. Cet apprenti dictateur compte apparemment sur l'oubli, puisqu'il remonte déjà à l'assaut d'un pouvoir qui vient tout juste de lui échapper. Certains de ceux qui, hier encore, au nom de la morale publique ou de la morale tout court, étaient ses plus farouches adversaires, pourraient être tentés aujourd'hui de laisser entrer le loup dans la bergerie et même de pactiser avec le diable. Par lâcheté, par faiblesse ou par faux calcul, en invoquant le temps du pardon et l'avènement d'une ère nouvelle de tolérance, certains pourraient envisager de lever l'anathème qui frappe Gaston Flosse et sa bande. Et pourtant, celui par qui le scandale est arrivé en Polynésie, celui qui avait réussi l'exploit de liguer contre lui toutes les églises, tous les syndicats de travailleurs, les organisations patronales et tous les partis politiques d'opposition, y compris la moitié de son propre parti, celui enfin qui a provoqué la crise politique, économique et sociale la plus grave que notre territoire ait jamais connue, cet homme-là, Gaston Flosse, voudrait revenir vêtu de la même peau de bête, toute griffe et crocs dehors. Aurait-on déjà oublié les blessures causées au pays tout entier? A-t-on déjà perdu le souvenir de ce glouton jamais rassasié qui saignait à blanc ses victimes et qui ne laissait un entourage de valets craintifs et de courtisans serviles que les reliefs de ses festins? Quelles sont, plus précisément, là, les difficultés que rencontre JPK? Son couple bat de l'aile. Et disons-le clairement, il soupçonne son épouse d'avoir un amant. Et c'est vrai, ça? C'est presque certain. Et JPK connaît bien cet homme, car il a même participé à sa campagne électorale pour les législatives de 1997. Ouais, ça veut dire que ce type-là appartient au parti de Boris Léontiev. Fait-il rapide, l'étoile nouvelle. Ouais. C'est un ami, par conséquent. En tout cas, JPK l'a toujours considéré comme tel. Et dans ces cas, la trahison est encore plus cruelle. Et puis, ce qui doit lui faire mal, c'est que la rumeur de la liaison de son épouse avec cet homme, Francis Stein, pour ne pas le citer, commence à circuler dans l'île. Cependant, c'est un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit précédemment. JPK reprend ses investigations sur les magouilles vraies ou supposées de Gaston Flosse. Et ses recherches sont de plus en plus pointues. Mais on verra ça plus tard. Il dépose même une plainte pour ingérence. Contre Flosse, donc? Ouais. Et ça ne ressemble pas à un homme qui voudrait en finir avec la vie, hein? Je suis d'accord. Autre chose, il se bat aussi résolument contre le projet d'un centre d'enfouissement des ordures ménagères pas très loin de Papeete. Oui, alors, à ce moment-là, il fait donc preuve d'une grande énergie. Et puis, il y a incontestablement la volonté de prendre sa revanche. Après tout, s'il a été viré de son journal, c'est à cause de Gaston Flosse. Oui, mais d'un autre côté, il y a cette crise morale, sentimentale... Une crise personnelle qui permettra aux tenants du suicide de légitimer leur thèse. Alors, si vous le permettez, voyons d'abord les faits tels qu'ils ont pu être reconstitués d'après les déclarations des uns et des autres. Nous sommes le 15 décembre 1997. En début d'après-midi, JPK se trouve dans son bureau de la mairie d'Arou. Oui, la mairie là, que détient Boris Léontiev. C'est ça. Il reçoit alors un coup de fil de son frère Philippe. Les deux hommes discutent de ce projet d'enfouissement des ordures ménagères dont je vous ai parlé. Un projet qui soulève alors beaucoup d'émotions à Tahiti. Et donc de vives oppositions. Au cours de cette conversation, qui dure une dizaine de minutes, Philippe Courault a alors l'impression que son frère est préoccupé. Au-delà de cette histoire d'ordures ménagères? En effet. Et il met cela au compte des difficultés conjugales de son frère. D'ailleurs, JPK a à peine raccroché que son épouse l'appelle au téléphone. Elle lui dit qu'elle n'a pas besoin de ses services pour aller récupérer son auto qui se trouve au garage. Francis Stein va l'accompagner. L'amant? Oui. Et j'imagine que JPK ne doit pas apprécier. Un tout petit peu plus tard, le journaliste étant sorti de son bureau, discute à l'extérieur avec Léontiev et un autre militant de Fethia Happy. Il est bien sûr une nouvelle fois question de cette affaire d'ordures ménagères. Une réunion est prévue, le soir même, dans la commune où doit se réaliser ce projet. Mais JPK ne promet pas d'être présent. Un quart d'heure plus tard, le journaliste, qui est revenu entre-temps dans son bureau, ressort avec un paquet de documents qu'il entend déposer au domicile de Leontief. Et c'est alors qu'il est interpellé par une équipe de gros bras. Qui là ? Ce sont des membres de ce GIP, une milice qui est au service de Gaston Flosse. Mais nous en reparlerons plus longuement, car elle est vraisemblablement au centre de toute cette affaire. Qu'est-ce qui se passe-t-il alors ? Selon des déclarations assez récentes, JPK est alors victime d'un véritable enlèvement au cours duquel le chef de ce GIP en personne l'interroge dans un bâtiment de la zone portuaire. Puis le journaliste est relâché. En témoigne un appel téléphonique qu'il donne à un ami vers 17h. Et cet ami-là, il mentionne ce curieux enlèvement dont il a été la victime ? Non, car son ami étant absent, il a simplement laissé un message sur son répondeur. Il y a question d'aller récupérer les enfants de JPK à la sortie de l'école, et la suite est très floue. Je vous écoute. JPK se rend d'abord chez son médecin. Dépressif, il souhaite bénéficier d'un arrêt maladie. Est-ce qu'il mentionne la cause de sa dépression ? C'est la liaison de sa femme qui le perturbe et il affirme qu'il entend profiter des prochaines vacances de Noël pour faire le point et s'expliquer posément avec son épouse. Puis il se rend dans une pharmacie. C'est alors que Francis Sten, l'amant supposé, l'aperçoit. Selon Sten, JPK semble hagard. Si c'est vrai, enfin, ça peut être aussi une conséquence de l'interrogatoire. Vous l'avez appelé comme ça, qu'il vient de subir. Oui, tout à fait. Et c'est alors que la mère de JPK reçoit un coup de téléphone de sa belle-fille. Mary se fait du souci car son mari n'est pas encore rentré. Il est quelle heure, là ? Aux environ 18h. Et avec raison, la mère du journaliste dit qu'il n'y a aucun motif d'inquiétude, d'autant que JPK ne va pas tarder à regagner son domicile. C'est le cas, là ? Oui, un peu après 18h. L'ami, à qui il a laissé un message, le rappelle. Ils discutent tous les deux assez longuement des prochaines vacances et conviennent même d'un rendez-vous pour le lendemain. Et les enfants, au fait, alors ? Là encore, c'est très bizarre. D'après Mary, c'est elle qui est allée les chercher. Mais d'après la mère de JPK, c'est au contraire son fils qui les a récupérés. Enfin, passons. Mary, Jean-Pascal et leurs enfants sont donc ensemble chez eux en ce début de soirée. L'atmosphère est orageuse. Tellement orageuse que les enfants sont envoyés au lit alors même qu'ils n'ont pas mangé. Une dispute, quoi. Oui, une violente dispute. Mais selon les enfants, une troisième personne aurait été mêlée à cette altercation. Qui ? D'après certains témoignages, il aurait pu s'agir de l'amant. L'amant alors, qui serait venu au secours de sa maîtresse ? Pourquoi pas ? Ouais, ça semble quand même un peu étonnant, mais enfin... Désolé, mais je ne peux pas vous en dire plus. Pour ce qui se passe ensuite, on ne dispose que du témoignage de Mary. Vers 21h, elle s'installe dans le salon, devant le poste de télévision. Et JPK, lui ? Torse nu et en short, il est assis à côté d'elle. Il mange une pomme, mais fixe son épouse. Oui, puis la jeune femme s'endort devant la télé. D'après elle, elle ne reverra pas son mari vivant. Attends, vous donnez l'impression là de douter un peu de la véracité de ce témoignage. Disons simplement que je trouve tout cela étrange. Et ce n'est pas fini. Vers 23h, la fille du couple, Vaïtea, se réveille et entend sa mère qui téléphone. Elle lit un message, je cite, « Je déteste la trahison, mais là où je vais, je t'aimerai toujours. » Ah, ça ressemble à... C'est un message d'adieu. Ça y ressemble. Ouais. Et à qui, alors, lit-elle ce message au téléphone ? Mystère. On ne le saura jamais. Comme on ne saura jamais si ce message a existé. Mais pourquoi, là ? Parce que la jeune femme affirmera qu'elle a détruit le papier sur lequel, selon elle, JPK lui disait adieu. Ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être poursuivi pour destruction de preuves. En tout cas, dans les moments qui suivent, Mary passe plusieurs coups de téléphone. D'abord à son ami Francis Sten, à deux reprises. Ouais. Mais alors, imaginons ce qu'a entendu l'enfant. C'était peut-être l'une de ses communications à son amant, non ? C'est possible. Puis la jeune femme appelle la mère de JPK et lui annonce que son fils a disparu. On est alors en pleine nuit, Oui. Et immédiatement, la mère accourt au domicile de son fils. Et elle y trouve Francis Sten, qui lui aussi s'est déplacé. Mary, bouleversée, se dit certaine que son épouse s'est jetée dans le ravin qui se trouve derrière la maison et on doit l'empêcher de s'y précipiter elle-même. Alors, dès ce moment, elle est persuadée que JPK s'est suicidé. Et avec des parents et des proches qui arrivent à leur tour, on fait des recherches dans les environs. Mais on ne trouve aucune trace du journaliste. JPK a disparu sans emporter d'effets personnels, sans emprunter sa voiture. Toutefois, dans les jours qui suivent, Mary signale l'absence d'une boîte de somnifères légers. et aussi celle des palmes de son mari. Alors, d'où cette hypothèse qu'on ne va pas tarder à formuler, hein. Le journaliste s'est suicidé. Oui, après avoir avalé des somnifères, il a nagé vers le milieu des lagons qui se trouvent devant son domicile et il a fini par sombrer. À moins qu'il n'ait choisi la mer, distante de seulement 4 kilomètres. Et c'est assez logique. Il avait eu confirmation de son infortune dans la journée même, puisque Mary avait préféré demander à Francis Sten plutôt qu'à son mari de l'accompagner au garage. Ah, et puis il y avait eu cette dispute là en début de soirée. Hein. Et une dispute où Mary lui a peut-être dit qu'elle voulait rompre. Et puis il fallait aussi compter avec cette confidence que JPK avait faite un an plus tôt à un ami. Le meilleur moyen de se suicider, c'est de nager jusqu'à épuisement. Ouais, c'est effectivement très troublant. Hein. Mais ce qui apparaît peu à peu encore plus troublant à la famille de JPK, sa mère, ses frères, sa sœur, ce sont les contradictions qui émaillent des récits de Mary ou de l'amant. D'ailleurs, ceux-ci finiront par rompre avec les courroux. Et Mary, en particulier, cessera assez vite de voir les parents de son époux. Pourquoi, à votre avis, cachait-elle sciemment quelque chose? Je n'en sais rien. Mais il est probable qu'elle en savait plus qu'elle n'en a dit. Mais ça ne fait pas d'elle une complice. Non, mais il est très possible qu'elle ait été menacée ou qu'elle ait simplement eu peur de révéler ce qu'elle savait. En tout cas, dès le début du mois de janvier, la mère de JPK a porté plainte contre X pour enlèvement et séquestration. Et c'est principalement cela qui a contribué à précipiter la rupture de Mary avec sa belle-famille. Parce que l'épouse de JPK, là, en tenait toujours pour le suicide. Oui, oui, oui. Alors maintenant, bah vous pouvez peut-être me donner votre version à vous. Bah, la semaine prochaine, je n'y manquerai pas. Mais attention, vous aurez des surprises. À samedi prochain, donc, pour un deuxième et dernier chapitre consacré à la mystérieuse disparition du journaliste Jean-Pascal Courreau. Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez obtenir des renseignements sur cette émission, tant discographique que bibliographique. Et merci à Michel Billoux, Rebecca Denante et Monsieur Jules.